peux créer un serveur privé ou il y a des serveurs publics. Tu peux créer toi un serveur public, tu mets un nom, mais tu mets mes couilles, enfin, ce que tu veux. Et tu laisses les gens arriver. Bon, des fois ça craque et tout, enfin, si le mec il est à l'autre bout du monde, des fois ça marche pas. You need a French cock. Got a micro penis. Similar. Tu mets un pseudo. Vous êtes dessus là, les mecs? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est un autre truc. Ça n'a rien à voir. C'est un autre système. Bon, attends. Il faut en créer un. Alors après, des fois, il y en a qui sont. T'as en haut, t'as serveur privé et serveur public. Et des fois sur serveur public, il n'y en a pas tout le temps, il y en a un ou deux, il y a du monde, tu vois, il y a le nombre d'utilisateurs, etc. Konnichiwa! Déjà, à mon avis, si ta carte elle est connectée ici, tu pourras pas aller là-bas. Je file là-bas, je vais voir si je vois les autres tondus là.